La tribu, bienvenue dans la 155e déjà Vampire Freaks. Et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Et oui, la tribu, c'est Spike et je suis ravi de vous retrouver comme toutes les semaines à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Et cette semaine, elle va être spéciale cette émission parce qu'il y a un maximum de nouveautés, il y a quelques exclusivités et il y a surtout du très très bon. On commencera tout de suite avec le nouveau Loaded Gun. L'album s'appelle Devil Inside. C'est un EP 7 titres qui s'appelle First Round qui vient de sortir. On retrouve Stay On Me, Dark Knight, Devil Inside, Beach Sacrifice et Eldogo et Last Bullet. On les retrouve sur Facebook, SoundCloud, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Funeral Bell de Black Label Society. C'est sur l'album de Blessed Ride, sorti le 22 avril 2003. On retrouve Stoned and Drunk, Stillborn, en duo avec Ozzy Osbourne et Final Solution. On écoutera ensuite une nouveauté, c'est Supernova, c'est Red Sparks, c'est l'EP, il s'appelle aussi Supernova, c'est un 4 titres qui vient de sortir. On retrouve Hunter the Void, Solar Wave, Supernova, Nebula, du bon rock atmosphérique. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une autre nouveauté, c'est Une Seule Adresse de Broussailles. C'est, l'album s'appelle Une Seule Adresse qui sortira le 4 mai prochain. On retrouve cet endroit, la joie, jour après jour. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Bad Moon Rising de Creedence Clearwater Revival. C'est sur Live in Europe, sorti le 16 octobre 1973. Une petite pensée pour ma petite sœur Carole. On retrouve dessus Born on the Bayou, It Come on the, Out the Sky et Fortunate Song du son. I'm the cocaine in your brain. Yeah. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Now must be our moment for action. The future of humanity is at stake. You can make history or you will be vilified by it. There is nowhere else to which our species can migrate. Don't forget nature. None of this is rhetoric, and none of it is hysteria. It is fact. Stop giving power to people who don't believe in science, or worse than that, pretend they don't believe in science for their own self-interest. C'est l'atterrissage, ça fait trop longtemps. Vous êtes toujours dans la 155e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Devil Inside, le nouveau Loaded Gun, Funeral Bell de Black Label Society, Supernova de le nouveau Red Spark, allez sur la page Facebook de Red Spark, c'est excellent. On a eu ensuite une seule adresse, le nouveau Broussaille, et on a fini ce bloc en live avec Boonman Rising de Creedence Clearwater Revival. On continuera cette émission avec une nouveauté et une exclusivité. Le morceau s'appelle Mars et le groupe c'est Sphere. C'est le titre d'un album qui s'appelle Yono qui sortira le 4 mai prochain. On retrouve The Cimmerian Ghost, Television Nation et Sound City. Et on les retrouve sur Facebook, YouTube, et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Nu, le nouveau Clara Luciani. C'est sur l'album Sainte Victoire plus 4 bonus sorti en mars 2019. On retrouve La Grenade, On ne meurt pas d'amour et Drôle d'époque. On écoutera ensuite un petit coup de 45 tours, un petit coup de vinyle. Oh, She's a Big Girl Now de Judge Dredd. C'est sur l'album Dreadmine, sorti en 1972. Et oui, c'est du bon son. On retrouve All in the Mind, Dr. Kitsch et Dingling, du reggae culte. On aura ensuite une petite nouveauté, c'est une réédition, le morceau s'appelle Désillusion, le groupe c'est JPL, l'album c'est Rétrospective volume 3, sorti, réédité en 2018. On retrouve Un doigt sur la gâchette, Une étrange idée et No Speed Limit. Merci au label Quadriphonique du Puy-en-Velay de m'avoir fait passer ces sons. Et on finira ce bloc en live avec Je danse le Mia de IAM. C'est du live aux Pyramides en 2008. On retrouve Petit Frère, L'école du micro d'argent, L'empire du côte obscur, un classique du rap français en live. Et avec nous, on a un petit invité, c'est le petit Liam, qui est mon neveu et qui a décidé de participer à l'émission, enfin d'écouter l'enregistrement. Donc merci à lui d'être là, on va essayer de le faire parler, mais c'est pas gagné. Oh!

take a really firm attitude with this bird. She wouldn't stop eating. She kept stuffing herself with fish and chips, Chinese dinners, curry goat, yams, patties, or everything imaginable. Yeah, she was swelling up to some fantastic size. Now let this be a lesson to all you birds out there listening out in dreadland. If you eat like this, you're going to go off bait. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Que des illusions. Honda Civic. Ahmad, elle est pour toi celle-là. 2h15, tu veux voir tout le monde à 2h15? Y'a rien là, Angelo, c'est pour toi. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith au pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle, les trois quarts ont pu rouler autour du bras. Rébattre sur la tête, ce vêtement taquini. Pour les plus classes, des mocassins, Nebuloni. Dès qu'il passait, Caméo, Midnight Star, SOS Band, les guichets du Chalamar. Tout le monde se levait, les cercles se formaient. Des concours de danse un peu partout s'improvisaient. Je te propose un voyage dans le temps, via Planète Guisée. Je danse le Mia. DJ mets-nous dans du funk. Je danse le Mia. J'ai poussé les pionniers à fond pour qu'on danse le Mia. Je danse le Mia. Ce soir les bagues brilleront. On danse le Mia. Je danse le Mia. Et DJ mets-nous dans du funk. Je danse le Mia. Je danse le Mia jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait le samedi. D'après on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au palais. Des Renault 12 sur le parking. À l'intérieur, pour elles c'était moins rose. Oh cousine, tu danses ou je t'explose. Voilà comment tout s'aggravait. En un quart d'heure, le frère aura piqué. Oh, comment tu parles ma soeur. Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière les cyprès. Et tout s'arranger ou se régler à la danse. L'un disait fils, y'a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent. Hop, tour, je vrille. Je te pousse, tu te rhabilles. Et moi, je danse le Mia. Même les voitures, c'était le défi K8 173. JM, ça veut mon petit. Du grand voyou à la plus grosse mauviette. La main sur le volant. Parasol et pionnière sur le pare-brise arrière. Dédé et Valérie écrit en gros. La bonne époque où on sortait la douce sur ma touche. On lui collait la bande rouge à la Starfield. J'avais la nuque longue, Eric Cossé, Malek, Ocola, Toupa, Lamar, les Pascal et Terrasta. Des amours sur François et Joe. Déjà à la danse à côté de personne, ne touchait plus le pire. On danse le pire. DJ, mets-nous dans du funk. Je danse le pire. Je danse le pire. J'ai poussé les pionniers à fond. Je danse le pire. Ce soir, les bagues brilleront. On danse le pire. Je danse le pire. DJ, mets-nous dans du funk. Je danse le pire. Pour la première fois au monde, sur le plateau de Gizeh. Ah ouais. Un morceau en anglais des quartiers nord de Marseille. Yeah, you want to know? Ah, at your mind. Quoi, quoi, papa? At your mind, you know. Ah ouais. Whoa, whoa, c'est at your mind, you know. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Eh hey papa, ça fait quoi? Je danse le Mia. Pas de pacotille, chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Des gestes lents, ils prenaient leur temps pour enchaîner les bases qu'ils avaient élaborées dans leur quartier. C'était vraiment trop beau. Un mec assuré, tout le monde criait. La piste s'enflammait, tous les yeux convergeaient. Les différences effacées, des rires éclatés. Beaucoup disaient que nos soirées étaient sauvages. Qu'il fallait entrer avec une balle ou une hache. Foutaise, c'était les ragots des jaloux. Et quoi qu'on en dise, nous on s'amusait beaucoup. Aujourd'hui encore, on peut entendre les filles dire. Tu le sais. Je danse le Mia. Je danse le Mia. J'ai poussé les pionniers à fond. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Ce soir les bagues brilleront. On danse le Mia. Je danse le Mia. Et DJ mets-nous dans du funk. Je danse le Mia. On danse le Mia. La la la la la la la. Tout le monde fait Mia. Oui oui. Vous êtes toujours dans la 155e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Mars, la nouveauté et l'exclusivité de Sphère. On a eu ensuite Nu, le nouveau Clara Luciani. On a eu ensuite She's a Big Girl Now en vinyle de Judge Dredd. On a eu ensuite Désillusion de JPL. Et on a fini ce bloc en live avec Je Danse le Mia de IAM. On continuera cette émission avec une nouveauté. C'est Paint It Over, le nouveau Naman. C'est l'album Beyond qui est sorti le 6 octobre 2017. On retrouve I'm Alright, Simplicity et Feel Good. On le retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une autre nouveauté, Bad Trip Day, le nouveau Abilify. C'est aussi le titre de leur super album qui est sorti le 14 février 2018. On retrouve Sans Toi, Au Loin et Stupéfaction. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On aura ensuite une autre nouveauté, Le Lion et l'Agneau, de le nouveau Freddy's. C'est sur l'album L'Histoire des gens qui vient de sortir. On retrouve En Bleu ou en Noir, Les Flammes de mon enfance et Idées préconçues. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. On aura ensuite une autre nouveauté. Ah oui, je vous ai dit, il y en a de la nouveauté cette semaine. Tout ce qui brille, le nouveau Fahrenheit, c'est de leur nouvel album Zone 51 qui vient tout juste de sortir. On retrouve K49.3, Allô la quête du gramme, J'arrive, un excellent album. On les retrouve sur YouTube et Facebook et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live, ça c'est pour toi mon petit Liam, toi qui connais bien un peu la dubbing. Le morceau il s'appelle They Want et c'est en live au Zénith de Saint-Etienne en 2017. On retrouve Dos à Dos, Better Run, Paradise. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. Ils sont là depuis 1998, ils ont une carrière énorme et ils sont toujours indépendants. Until we get it, they'll be coming in. They will be coming in, cause all of them are creaming on it. What they do is illegal. Situation critical, them try to trick invisible. But no, no, we not give it up, we not gonna stand miserable. We're gonna dig it, don't stop, stop, we dig it, we're gonna dig it, don't stop, stop, we dig it, I miss you, who I ever cheat upon the wicked them. We're gonna make sure nobody gonna try for the wicked again. I miss you, dig, don't stop, stop, we dig them. I miss you, who I got a puna. rights every day. And we still have an harmony for all the people them. Will ever come in time for justice instead. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. About music and love. Hey yo, aha! Step in the bang, step in the bang, step in the bang, bang. Step in the bang, step in the bang, step in the bang, bang. Step in the, step in the, step in the, step in the, step in the, step in the, step in the, step in the, step in the, step in the, step in the, step in the, step in the, bang. One more rock and wiggy dip, wiggy dip. All day, one more fire, wiggy dip, wiggy dip. All day, want more music, wiggy dip. Mais c'est qu'on en rappelle. Et s'ils veulent plus de désol, faut qu'on démène. Et s'ils veulent plus de vals, on en enchaîne. We love the reggae music for everyone. And I go. Malgré que des adaptes à tous les styles, tous les flows. Dans ma nuit, pour reggae, du bon bolo. Tu sais qu'on a du stock, ouais, tu sais ce qu'il faut. Les sorbois se lâchent comme de vrais toxico. Toujours plus efficace qu'on n'a pas qu'à l'hydro. Pas besoin de seringues, de coco, de pavot. Du son dans les veines pour t'emmener tout là-haut. Comme l'Oscaramucci reprenne le micro. On reste indépendant et y'a toujours la même éthique. Car depuis longtemps on a développé notre technique. On est un nanan et on développe mal la pratique. La gamme fait trafic, les gros poissons paniquent. Puis entre les requins et tout l'envie qu'on évite. À contre-courant dans leur business, voyons, on s'applique. On avance tranquillement alors que les autres s'agitent. On développe la cynique, cynique. They want more ragga wiggy dip. So they want more fire wiggy dip. So they want more music, wiggy dip. So put it up, select, now we want come again. Come again, s'ils veulent la musique, on aura mine. S'ils veulent plus de dance, faut qu'on démine. Et s'ils veulent plus de battre, on en enchaîne. We love the reggae music, for everyone, and I. Malheureusement, Scaramucci n'est pas là ce soir. Mais il a envoyé un message qui va à peu près comme ça, à peu près comme ça. Baby pumpkin, ragamuffin en direction ta scène. Chihuahua la la la la la la la long terme. De Saint Thomas en direct par Saint-Étienne. Well, hum-bidi-bo-hum-bidi-bang. Because Scaramucci est le DJ sound system. On reprend les mêmes flows et on reprend les mêmes thèmes. Reggae music, a world without end. Love it in the morning, a de dina, a de dino. Reconnais le style et bien bouger sur le groove. Bien bouger la France en pole position toujours. Pour tous les massifs, nouvelles battues des coups sur mes ailes. We love the music more every day. When you rap, bam, bam, bam, rock, I'm a fiend, just on the visit. She won't be, bombs, kid, like Borro Bonton. Me like Borro Bonton. Come along again. Me love Bush Bonton. Bush Go again. Me like Borro Bonton. Put it up again. Come Bush Go Bonton. Come Bush Go Bonton. chanter s'il vous plaît. Et tout le monde pousse qu'on a reggae dancehall. Allez de l'avant et bousculez tous vos idoles. Pour prendre ça, il y a su que ton rôle. Devant la salle, tu suivras pas ça tes paroles. Ouvre les yeux, réveille-toi. C'est le même type, c'est le même combat. Choisis bien ton gange. Attends doucement, doucement, doucement, doucement. Et vous êtes fatigué ou bien? Allez! Ouvre les yeux, réveille-toi. C'est le même type, c'est le même combat. Choisis bien ton gange. Laisse le verre, balance, discours et moi. C'est pas la même détaillée, pas de réserve et tigre. Conscient et nos yeux chillissent. Attrayons les médias pour que l'on se dévisse. Well, well. Entre eux règne la traîtrise. Qu'est-ce que grand but on console le cul. Hagan, Hagan. Toujours les mêmes qui bougent de Anna. Toujours les mêmes qui bougent de Dawa. Toujours les mêmes matata de moi. I want more rugger, we can do. So they want more fire, we can do. I will do. So they want more music, we can do. So pull it up, select, now we want come again. Come again. La musique on aura mis. S'ils veulent plus de dance, ils vont compter. S'ils veulent plus de bass, on en enchaîne. We love the reggae music for everyone. And I under the bed, under the bed, under the bed. Chihuah la la la la la la pomme skillé. Chihuah la la la la la la pomme skillé. Bombe de bang bang, bombe de bang bang, bombe de bang bang bang. Vous êtes toujours dans la 155e Vampire Fix et c'est Spike qui vous accompagne. Alors Liam, ça va? Tu passes ça se passe bien l'enregistrement? Ça va encore. On t'entend pas. Ça va encore, ça va encore. Ça va, ça te plaît? Oui, ça va. Allez. Pas trop, mais quand même. Ok. Bon, on continuera. Alors, on a écouté d'abord Plenty Tover, le nouveau Naman. On a eu ensuite Bad Trip Day, le nouveau Abilify. On a eu Le Lion et l'Agneau de Freddy's. On a eu Tout ce qui brille de Fahrenheit. Et on a fini ce bloc en live avec They Want More Music With Them de Dubbing. On continuera cette émission avec le nouveau Charlotte Gainsbourg. Ça s'appelle Bombs Away. C'est sur l'EP Take Two qui est sorti en avril 2018. On retrouve Such a Remarkable Day qui est, qu'on entend un peu partout. Bombs Away, Runaway, la version live. Et Deadly Valentine en version acoustique, en version live aussi. On continuera avec une nouveauté, Light a Fire, c'est même une exclusivité. C'est Dead Acid People, c'est un single d'un album qui paraîtra dans pas très longtemps apparemment. C'est au mois de mai ou au mois de juin, je ne sais pas trop. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. On aura ensuite Love A Man, le nouveau Ishmael Makanuf, qui se fait aussi appeler Maclo X. Donc c'est un EP qui s'appelle All My Love qui vient de sortir. On retrouve Time To Get Through, Forzone Soldier et All My Life. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une autre nouveauté, Instinct Primaire de Radio Belgrade. C'est sur leur nouvel album qui vient de sortir, Toutes Mes Excuses, qui est sorti le 21 avril dernier. On retrouve Instinct Primaire, Jour de Colère, Jour Noir, un excellent album. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et merci à Laurent Diffre de m'avoir fait passer cet excellent album. Et on finira ce bloc en live avec Irrécupérable de Molodoy. C'est sur l'album On est là, à sortir en 1993. On retrouve Karma, Vive l'armée du salut et à bout portant. Molodoy, pour la petite histoire, c'est le groupe qui a formé François, le chanteur des Berruriers Noirs, après la fin des Berruriers Noirs. Et ils ont écrit une autre nouvelle page de l'histoire du punk, mais ça, c'est une autre histoire. Bones away, let that all come on a rock. Bones away. so that your days will be longer. Keep getting stronger. See, in our life, my mother always tell me, you know, don't hang out with bad company. And my father tell me the same. It's me, Rasmus, man. Fuck enough. Fuck us, but don't shy. Love, mama. Love, mama. Don't you disobey, mama. Love, papa. Them alone you fear not. Love, Jaja. And everything will be better for now and later. He'll make things greater. Love, mama. Don't you disobey, mama. Love, papa. Them alone you fear not. Love, Jaja. And everything will be better for now and later. He'll make things greater. Mama clean and cook the food. She never make me rude. And for the 9 months she carry me, me office say she good. She teach me to read and write as me should. And when papa sit down, she was the only one who stood. Mama, you never promise me with excuse. I may never see you in a X news. Mama, you never promise me with excuse. I may never see you in a X news. Excuse. Love, mama. Don't you disobey, mama. Love, papa. Them alone you fear not. Love, Jaja. And everything will be better for now and later. He'll make things greater. Love, mama. Don't you disobey, mama. Love, papa. Them alone you fear not. Love, Jaja. And everything will be better for now and later. He'll make things greater. Mama did tell me, said the road I go rough. Never know the life, but I turn out so tough. May God you did that thing about your children, them first. That she never left me pan a downtown bus. Mama, the love you give to me, me have to love, mama. And she never give me way, so me have to love, mama. She tell me love your brother, love your sister, love papa. And remember fi love Jaja. Love, mama. Don't you disobey, mama. Love, papa. Them alone you fear not. Love, Jaja. And everything will be better for now and later. He'll make things greater. Love, mama. Don't you disobey, mama. Love, papa. Them alone you fear not. Love, Jaja. And everything will be better for now and later. He'll make things greater. For now and later, he'll make things greater. Love, mama. Love, papa. So that your days will be longer. We keep getting stronger. Love, mama. Love, papa. Love your brother. Love your sister. Love, mama. Don't you disobey, mama. Love, papa. Them alone you fear not. Love, Jaja. And everything will be better for now and later. He'll make things greater. Love, mama. Don't you disobey, mama. Love, papa. Them alone you fear not. Love, Jaja. And everything will be better for now and later. He'll make things greater. Vampire Freaks, à l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Sous le c'était bon, Molo Doyle Live. Vous l'êtes toujours dans la 155e Vampire Fix. On vient de s'écouter Bombs Away, le nouveau Charlotte Gainsbourg, Light a Fire de Dead Acid People. On a ensuite Love Mama, pas Love Man, c'est Love Mama de Ishmael Makanuf. On a eu ensuite Instinct Primaire, le nouveau, et je dirais, c'est pas une exclusivité, mais c'est presque. Merci à Radio Belgrade en tout cas. Et on a fini ce bloc en live avec Irrécupérable de Molo Doyle. On continuera cette émission avec Privzak Incident en live, le nouveau Averod, c'est l'album live qui vient de sortir. On retrouve Redway, Black Hole Phobia et French Idiot. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et, ils sont de l'Aveyron et c'est un très très bon groupe de blues. On écoutera ensuite Brightness, le nouveau catalogue. C'est sur l'album Al Grey Effective qui vient de sortir. On retrouve La Disco, 100 Times a Day et Cœur de Silex. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et merci à Philippe Britisco de m'avoir filé les infos, c'est excellent. On aura ensuite I'm Gonna Get My Baby des Cashbox Kings, c'est sur l'album Royal Mint sorti le 30 juin 2017. On retrouve House Party, Flood et Daddy Born Here. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. On aura ensuite une autre nouveauté, Chute Libre de Immature. On les retrouve sur l'album s'appelle Autodestruction, c'est sorti en février 2019. On retrouve Souvenirs, Vieux Frères et les Cendres de nos Rêves. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et bientôt sur toutes les plateformes. Et on finira ce bloc avec un grand classique et en live, Psychophobia de Black Sabbath. C'est sur l'album Cross Purposes, sorti le 26 janvier 1994. On retrouve Cross of the Storm, Virtual Death et Evil Age, un classique des années 90. Ça te dit quelque chose, ça, Liam, comme nom? T'as dit, ah, c'est du nouveau, hein. Mais c'est des vieux, hein. C'est des vieux. Ah. On m'entend pas ici. Allez. baby, pull my pills, to start to pop it. I'm going to get my baby. I'm going to get my baby. Je ne fais que battre contre moi. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Privzak Incident en live de Averroad. On a ensuite Brightness, le nouveau catalogue. On a ensuite I'm Gonna Get My Babe de Cashbox Kings. On a eu ensuite Chute Libre, le nouveau Immature. Et on a fini ce bloc en live avec Psychophobia de Black Sabbath. Cette 155e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission. On finira cette émission avec La Piste Inconnue des Berruriers Noirs. C'est sur l'album Invisible sorti en 2006. On retrouve Coup d'État de la Jeunesse, Le Cerf, Le Druide et Le Loup et Love in Laos. À la semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite. Et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans son salon. Salut à toutes et tous. La tribu! Allez à toi, petit Liam. Salut à toutes et tous. La tribu? Ouais, plus fort. La tribu! Voilà. Allez, salut! Merci Liam. Thank you. Tu es parti un beau matin chercher les clés de ton destin. Sur une piste aux herbes folles, tu départs des vapeurs d'alcool à la recherche d'un idéal. Mise en scène théâtrale, incarné dans le signe astral. Magie d'un univers boréal. Oh, tu suivras la côte de Chad jusqu'à la tu partiras tout là-bas, rejoindre le golfe de l'Empire. Tu verras les pics de Calcaire, les falaises brisées sur la mer, les oriflammes, les accents, les pagodes en couleur d'encens. Qui ne se raconte pas, qui n'apparaît sur... Oh.